Do you said to me, don't regret it, pas tes jours, ce livre val de l'amour, la paix est venue sur nous, nous recouvrons de partout. Il en est ainsi chaque fois que l'on s'aime vraiment, chaque fois que l'on s'aime vraiment, à genoux, à genoux. Souviens du bonheur qui jonchait toutes nos heures. L'horloge du temps sembla s'être arrêtée sur ces instants de vie, sur ces instants d'éternité. Tout soudain était devenu si beau. Un appel qui nous revenait, ton écho, c'est thank you.